بسم الله الرحمن الرحيم والضحى Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le jour montant. والليل إذا سجى Et par la nuit quand elle couvre tout. ما ودعك ربك وما قلى Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. وللآخرة خير لك من الأولى. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. ولسوف يعطيك ربك فترضى. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. ألم يجدك يتيما فآوى. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. ووجدك ضالا فهدى. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé. وجدك عائلا فأغنى. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. فأما اليتيم فلا تقهر. Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. وأما السائل فلا تنهر. Quant au demandeur, ne le repousse pas. وأما بنعمة ربك فحدث. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le.